Purple Haze de Mix, DJ Dag and Jam Elma. Très beau mix, je trouve. Très bien. Voilà. Quand même, je sais pas, à l'opposé de ce qu'on pourrait penser de du single, on va dire. Rhythm is a Dancer, dont on a été abreuvé depuis longtemps. Je trouve que ce mix un peu, je sais pas, redonne un peu de noblesse, on va dire, à ce morceau. On va enchaîner avec un autre mix, donc un autre maxi. Là, c'est un peu plus tard, donc c'est 97. La Bouche, You Won't Forget Me. La Bouche qui est morte d'ailleurs dans un accident d'avion, comme de nombreux musiciens. Voilà, c'est le Manu Mission Mix, un de mes morceaux favoris. Pardon, c'est très dégueulasse. Je vais quand même. Voilà. À tout de suite. I want you, like a drug in my vein, like a drug in my vein. I want you, like a drug in my vein, like a drug in my vein. Thank you. You won't forgive me. Crac, crac, ça craque. Et ouais, c'est ça, c'est du live, c'est du direct. Des fois, il y a des petits défauts. C'est comme dans la vie. La bouche. 97. Pardon. On va un peu shift gears, comme on dit en américain. Passer à la vitesse supérieure. Au niveau des BPM, je pense. À peu près, du moins au niveau de l'intention. 99, un remix de Always You de Jennifer Page. Là, on entre dans des sphères plus proches des années 2000, on va dire. Et voilà, et merci à Lily d'être venue. Merci Nicolas. Merci à toi. Allez, on se retrouve dans 7 minutes 40. You. Thank you. of Memories. Donc un très bon remix de DJ Tiesto, Titanic Remix. Voilà, c'est Tristan qui m'a donné ce morceau. Tristan que je salue. Voilà. Merci à tous d'écouter les entretiens de Grenoble. Une émission spéciale Eurodance, années 90. Là, je vais mettre un morceau un peu particulier, c'est The KLF, The Jams, The Justified Ancients of Mew Mew, et le morceau s'appelle It's Grim Up North. North of England, hein, bien sûr. Voilà, on écoute ça. Bill Drummond. À tout de suite. We'll be right back. Erminio Fiorello Sabatini. Et le morceau c'était Ernesto McPickle, Second of the Name. Big up à Lucas. Voilà. C'est bientôt la fin de l'émission, dans 7 minutes. Donc je lance mes dernières cartouches. Les cartouches les plus cylindriques. Voilà. On va se mettre un petit Venga Boys et on en parlera après. Pourquoi on met Venga Boys? Breaking time. Going to Ibiza des Venga Boys est devenu un hymne de protestation quand il y a eu l'Ibiza Gate qui a causé la démission du chancelier autrichien. Voilà, donc c'est Venga Boys, c'est un groupe subversif inscrit dans une lutte. Voilà, c'est le message à retenir de ce soir. Merci pour le Nixol, pour le mic. Voilà, l'émission touche à sa fin. Hop là, voilà. Je vais mettre donc le dernier morceau. Ce sera, bien évidemment, et comme vous l'attendiez tous, un morceau de Corona. Qui s'appelle The Power of Love. Et ce sera un remix de Lee Marrow. Je vous souhaite bon courage pour ce soir. Pour les nouvelles qui vont tomber. Et je vous dis à bientôt la semaine prochaine, très certainement. Au revoir, merci à tous. The power of love, no use in denying, gotta keep on trying. Merci. On prolonge un peu d'une demi-heure donc. Merci Nick Sol. C'est comme ça qu'on dit Nick Sol. Aïe. Merci à tous. Hop, on change de disque. On reste dans les années, bien sûr, 90. Avec un titre vraiment que j'apprécie beaucoup, titre rare dans son genre, d'Imperio, qui s'appelle Veni Vidi Wiki. Voilà, donc il y a un maxi encore en 94 avec 4 mix. Je vous mets l'extended version. Voilà, attention, il faut accrocher la ceinture. A tout de suite. Voilà. Les entretiens de Grenoble. La demi-heure de plus. Slow. Hey. your beat and kick the dance floor. Là ou quoi? Gigi D'Agostino, une reprise du morceau Rectangle de Jacno. Gigi D'Agostino qui est turinois. Voilà. Turinois qui est pas très loin de Grenoble, pour ceux qui connaissent. On va mettre un autre morceau italien, La Notte. Attends. Return to Innocence. Ça yodèle un peu. That's not a beginning of the end. Ok. That's return to yourself. Voilà. The return to innocence. Merci à tous. Hey! Look, Teardrops from Heaven, Jivago. L'émission se poursuit tranquillement, ça va Lily ? Oui, super, super, vraiment très bien. Génial, moi aussi. Merci à tout le monde d'écouter, merci à Pinode, Nixol, Mabuzeki, Aï, Dadabaz, Julie Desk, bien sympa. Bien sympa, sympa. Et on continue donc avec encore un remix. Ça a l'air pas mal ça. Mais c'est pas ça qu'on va mettre, un remix de Paradise Mi Amor. C'est le Trip Dance Radio Mix. Yes. Bon bah c'est la fin. Ce sera le retour de la pompe à vide, Nico. Peut-être la pompe à vide va sûrement prendre un tournant particulier, devenir une pompe à plein. Pape. Un dernier morceau pour finir cette émission. Cette émission, tout simplement. Un titre bien connu de tout le monde. Girls in Love, Andreas Doro. Voilà, on se fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao tutti. Et puis voilà, c'est tout. Hop. À bientôt. Bientôt, c'est quoi cette version? Ça doit être encore une version bizarre. À bientôt sur les entretiens de Grenoble avec un invité peut-être, etc. Bis à tous, bisous et bon courage. Sie war jung, gerade 16 Jahre, doch sie trug schon graues Haar. Sie ging arbeiten und ging fremd. Für ihn versetzte sie ihr letztes Hemd. Bereitete ihr viele Schmerzen, doch sie trug nur ihn im Herzen. Sein Gott.